Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Imaginez un homme qui, à la suite d'un accident de voiture, se retrouve condamné à passer ses journées assis avec sa jambe plâtrée tenue à l'horizontale. Cet homme, un journaliste friand d'aventure, n'aurait alors rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ses voisins vivre leur vie de l'autre côté de la cour. Un peu comme ce que vous faites vous aussi quand l'occasion vous est donnée. C'est du moins ce que pense Alfred Hitchcock. Well, he was a peeping Tom. C'était un voyeur. C'est ça, c'est un voyeur. Aren't we all? Mais est-ce que nous ne sommes pas tous? C'est ça. Il est même dans la position du spectateur d'un film. I'll bet you 9 people out of 10. Je vous parierais que 9 personnes sur 10, s'ils voient quelque chose, like a woman undressing and going to bed, or even sometimes a man pottering around his room doing nothing. Ou même un homme qui tripote à travers la chambre ne faisant rien de spécial. 9 people out of 10 will stay and look. Sont là à regarder. They won't turn away and say it's none of my business. And pull down their own curtain. Et retireront leur volet. Won't do it. Leur volet. Ils ne feront pas. Men, are you over 40? When you wake up in the morning, do you feel tired and run down? Do you have that listless feeling? Jeffries? Congratulations, Jeff. For what? For getting rid of that cast. Who said I was getting rid of it? This is Wednesday. 7 weeks from the day you broke your leg. Ce doit être affreux pour vous de me savoir encore dans le plâtre pendant toute une semaine. Ah oui, car cette semaine nous prive, moi de mon meilleur photographe et vous d'un bon reportage. Où ça? Au Cachemire. J'ai eu quelques tuyaux ce matin. Il se prépare là-bas des événements importants. Je vous avais dit que c'était dans ce coin-là qu'il fallait faire un reportage. C'est vrai. Alors, quand dois-je partir? Dans une demi-heure, une heure? Avec votre jambe dans le plâtre? C'est impossible. Non, attendez une minute, Gunnison. Vous n'allez pas me laisser là. Voilà 6 semaines que je suis cloué dans un appartement de 2 pièces, n'ayant rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les voisins. Bon, regardez. Non, Gunnison. Écoutez, si vous me laissez mourir d'ennui, je suis capable de faire un mauvais coup. Quoi, par exemple? Quoi? Je serais capable de me marier. Comme ça, je ne serais plus libre de voyager. C'est une bonne idée de vous marier avant que vous ne deveniez un vieux pire-muet, aigri et neurasthénique. Et oui, c'est aussi un film qui parle du mariage, Rear Window. Fenêtre sur cour est un film réalisé par Hitchcock en 53-54, sorti en France sur les écrans en 1955. Et c'est un film, Carole Desbarra, qui tourne autour, même plus, qui, c'est pas simplement une caméra qui tourne autour, qui pénètre dans l'univers du voisinage, par excellence même. Absolument. Absolument, puisque c'est l'histoire de cet homme qui, étant immobilisé, comme vous l'avez dit, n'a plus à faire, encore qu'on pourrait discuter, mais chez Hitchcock, n'a plus à faire que regarder le mur d'en face et toutes les fenêtres qui sont ouvertes parce que on a pris la précaution de montrer qu'il était très, en été, il fait 34 degrés. Donc, c'est logique, toutes les fenêtres sont ouvertes et il passe son temps à observer ce qui se passe. Et à force d'observer, on peut provoquer que quelque chose de malheureux se passe. Merci d'être avec nous ce matin, en tout cas pour en parler. Vous êtes ancienne directrice des études de la FEMIS. Vous avez écrit sur Éric Rohmer, sur Godard, sur The West Wing. Et vous êtes ici pour parler de Hitchcock. Quelle place tient Hitchcock dans votre amour pour le cinéma, Carole Desbarra? Une place tout à fait personnelle, mais ce qui intéressera peut-être plus les auditeurs, c'est de dire que j'ai beaucoup fait de formation d'enseignants. Les enseignants se préoccupent de montrer des belles images aux enfants, aux jeunes publics. Et ils ne sont pas formés pour ça. Eh bien, prenez Hitchcock, prenez un film d'Hitchcock et mettez en face, une fois que vous avez vu le film, le Hitchcock-Truffaut, le livre, des dialogues entre Hitchcock et Truffaut. Et je crois que vous trouverez de quoi parler avec les lycéens, les collégiens et de les ouvrir à ce que c'est que la perception d'un art, l'art cinématographique, avec un maître de la mise en scène qui a pensé tout ce qu'il voulait mettre en place et peut-être même plus encore que ce que nous pouvons imaginer. Chaque détail compte chez Hitchcock, chaque détail visuel et chaque détail auditif. On Absolument. L'a entendu là, le tout début du film, après le générique, la bande-son est uniquement constituée de bruits qui viennent du décor lui-même, du film lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune musique qui est rajoutée, hormis celle du générique. Chaque musique qu'on entend vient du voisinage en réalité. Absolument, et votre ingénieur du son me faisait remarquer avant l'émission que dans la VF, beaucoup de ces bruits avaient disparu, donc on alerte nos auditeurs en disant que écoutez la VO, vous entendrez effectivement cette partition sonore. C'est carrément une partition, effectivement. Nous sommes spectateurs dans le rôle de James Stewart, puisque c'est lui qui joue le rôle du personnage immobilisé sur sa chaise, qui regarde dehors. En fait, c'est un peu une mise en abîme du spectateur du film, non ? Tout à fait. Je pourrais même mettre une mise en abîme de ce qu'est un réalisateur qui est assis dans un fauteuil et qui regarde une scène se dérouler devant lui. Oui, oui, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et peut-être même plus pervers que ça, parce que c'est quand même un très très grand pervers, Hitchcock. Et c'est peut-être ça qu'on aime beaucoup aussi chez lui. C'est que, évidemment, nous sommes à côté de lui et nous voyons ce qu'il voit. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec les critiques qui disent que nous ne voyons que ce qu'il voit. Ce n'est pas vrai. Quand il dort, nous voyons autour de lui le monde vivre alors que lui ne le perçoit pas. Oui, parce que la plus grande partie du film est montrée à partir de son regard. La caméra se substitue à ses propres yeux. Mais vous avez raison, parfois on le voit non seulement lui-même, et on voit, mais à une seule reprise, à une seule occurrence, une scène qui se passe alors que lui-même dort. C'est une scène décisive pour comprendre la suite du film. Tout à fait, mais aussi on voit un paysage alors qu'il dort, tout à fait au début du film. J'imagine que le générique et la façon dont on s'ouvre le film, c'est quelque chose qui, chez Hitchcock d'habitude, est programmatique, comme le disait Jean Douché, par rapport au reste du film. Mais là où nous savons que nous sommes dans son regard, c'est à un moment extrêmement précis, c'est lorsque le criminel s'aperçoit que en face de lui, dans la fenêtre frontale, il y a quelqu'un qui le regarde. Et il regarde, et le contre-champ, c'est nous. Alors racontez-nous, vous parlez d'un criminel qui est, il faut nous dire, à deux mots d'histoire. Alors d'où vient ce criminel, bien sûr. Eh bien écoutez... Même si dans un film d'Hitchcock, on n'est pas surpris d'apprendre qu'il y a un criminel. Non, pas vraiment. En fait, à force de regarder en face, Jeffrey se rend compte qu'un homme a une attitude curieuse. Il est face à une femme qui est acariâtre, hargneuse, qui visiblement est handicapée ou en tout cas a des difficultés à sortir de son lit et qui l'apostrophe de manière très violente régulièrement. Donc une situation conjugale extrêmement délicate. Et puis, au bout d'un certain temps, bien la fenêtre qui donne sur la chambre à coucher de cette femme est fermée. Il y a des allées et venues dans la nuit qui sont curieuses et que Jeffries observe trois fois dans la nuit. Cet homme part avec une mallette et il revient avec cette même mallette. Et Jeffries commence à se demander si, lorsqu'il regarde d'un peu plus près avec des lunettes et un objectif très puissant mis sur son boîtier photographique, qu'il voit cet homme nettoyer un grand couteau de boucher, il commence à se dire, voilà, peut-être y a-t-il un meurtre, effectivement. Alors, vous dites que Hitchcock est pervers. Est-ce parce que, comme il l'a dit en début d'émission, dans son entretien avec Truffaut en 1967, il pense que nous sommes tous aussi voyeurs, voyeuristes, que le personnage James Stewart? Et que c'est pour ça qu'en fait nous regardons ce film. Parce que ce film, nous l'avons dit, en fait, montre la plupart du temps les scènes de la vie ordinaire qui se tiennent chez les voisins. D'où vient une telle fascination pour la vie des autres, si ce n'est d'une forme de voyeurisme? Alors moi je dirais qu'Hitchcock est totalement réaliste en disant ça et qu'il n'est pas pervers du tout. Parce qu'il me semble qu'on doit pouvoir prouver que chacun d'entre nous, et on y reviendra dans le film, on a des preuves que chaque personnage est soumis au désir de voir. Mmh. Donc non, la perversité vient plutôt de la mise en scène, on en reparlera. La façon dont Hitchcock fait ce qu'il appelle lui-même de la direction de spectateur. C'est-à-dire que la mise en scène, c'est non seulement la mise en scène des personnages, du décor, de la musique, mais aussi nous, spectateurs, qui sommes menés par le bout du nez, d'un espace à l'autre, et à qui on propose d'être comme le Jeffries, comme l'infirmière qui surtout ne veut pas regarder ce qui se passe, de regarder effectivement. Et nous ne résistons pas. Non, eh ben on aurait bien tort de résister d'ailleurs. On va suivre Jeffries au cours jusqu'à la fin de l'heure qui occupe cette émission à Carole Desbarins. On va suivre d'abord, on va le retrouver au tout début du film avec l'irruption de cette infirmière qui s'appelle Stella. Ensuite il y aura cette femme, Lisa, qui viendra. Elle est entourée de ces deux femmes. Et Stella, en effet, le qualifie de voyeur et pour elle c'est quelque chose qui est moralement condamnable et elle ne se prive pas de le lui dire. Say. Dig so deep, how you? You're giving them far too much water. You haven't seen them near as much water. Oh, why don't you shut up? The New York State sentence for a peeping Tom is 6 months in the workhouse. Oh, hello, Stella. And they got no windows in the workhouse. Dans l'État de New York, les voyeurs sont punis de 6 mois de prison. Ah, bonjour Stella. Il n'y a pas de fenêtre dans les prisons. Vous savez, dans le temps, aux voyeurs, on brûlait les yeux avec une barre chauffée à blanc. De nos jours, s'il fallait brûler les yeux à tous les voyeurs de la Terre, je crois bien qu'on manquerait de barre. Ah là là, il y a presque autant de voyeurs que de femmes et d'hommes. Les gens devraient sortir de chez eux et se regarder eux-mêmes, ça les changerait. Oui, monsieur. Ça, au moins, ce serait de la bonne philosophie. Reader's Digest, avril 1939. Oh, je me réfère à Sylvia. Oh, inutile de prendre ma température ce matin. Allez, je veux voir si vous n'avez pas de fièvre. Vous savez, j'aurais dû être une gitane viseuse de bonne aventure au lieu de devenir infirmière. J'ai dîné pour les drames. Je prévois aussi des drames ici même, dans cet appartement. D'abord, vous vous cassez la jambe. Alors, vous regardez par la fenêtre des choses que vous ne devriez pas voir, d'où le drame. Je vous vois au tribunal en train d'essayer vous-même de présenter votre défense. Vous plaidez, vous dites, monsieur le juge, ce n'était qu'une innocente plaisanterie. J'aime mes voisins comme un père. Et le juge dit, eh bien, félicitations. Vous venez de donner naissance à 3 ans de prison. Mais, eh bien, en ce moment, un drame serait le bienvenu. Vous avez une déficience d'hormones? Comment pouvez-vous le savoir d'après le thermomètre? Ces beautés en maillot de bain que vous lorgnez n'ont pas fait monter votre température d'un degré depuis un mois. Oui, parce qu'il faut préciser que la première scène que nous avons entendue, alors qu'il était au téléphone, il est en train de regarder cette jeune femme, donc dans l'appartement en face du sien, en bikini, en train de danser, s'étirer, d'ouvrir son frigo. Donc l'infirmière, soit par injonction morale, soit par jalousie, lui fait bien remarquer que c'est pas comme ça qu'il s'en sortira mieux. La dimension morale est posée dès le départ, mais il y a aussi cet appétit du drame. Hein. Il le dit, un drame serait le bienvenu, ça revient à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le crime advienne, Carole Desbarra, c'est programmatique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça laisse à penser que c'est probablement parce qu'il regarde que, dans la narration en tout cas, le drame se produit. Mais moi, j'aimerais revenir sur l'infirmière, qui est absolument extraordinaire, et qui nous donne un exemple de la perversité hitchcockienne. C'est-à-dire que cette femme, qui est jouée par Thelma Ritter, qui est une excellente actrice de second rôle, qui a beaucoup joué à Broadway, dans des films un petit peu secondaires, sauf dans The Misfit, où elle était à côté de Marilyn Monroe, cette petite infirmière arrive avec une jugeote vraiment présentée comme du bon sens populaire, dont se moque James Stewart, Jeffries, en lui disant c'est du Reader's Digest de 1939. Alors qu'elle dit quelque chose de plutôt intéressant. Elle dit les gens devraient sortir chez eux et se regarder eux-mêmes, ça les changerait, ce serait une bonne philosophie. Mais elle dit la vérité du film. C'est elle ça. Dit que les gens sont voyeurs. Elle dit que c'est puni par la loi. Elle dit qu'effectivement, tout le monde y succombe. Et elle porte directement la question de la loi et de la morale d'emblée dans le film. On est à 4-5 minutes du début du film. Sauf que ce que fait Hitchcock, c'est qu'une fois qu'il vous a dit l'essentiel et le cœur du film, après, il va recouvrir. Il va recouvrir ça. C'est-à-dire que ce béton du bon sens populaire va être recouvert par une décrédibilisation. Parce que juste après l'extrait que vous nous avez montré, elle continue, elle masse, puisqu'elle fait son travail d'infirmière, très précisément. Et en tout en le massant, elle lui dit « Oui, mais de toute façon, la crise de 29, je l'avais prévue. » Et elle lui dit, mais comment vous l'aviez prévu? Elle dit, mais voilà, je soignais à cette époque-là le PDG de la Standard Oil et je le trouvais très, très, très nerveux. Il avait des problèmes de vessie et je me suis dit, si le PDG a des problèmes de vessie, c'est que ça va pas du tout. Et alors il lui répond, mais ça n'est pas une raison. Elle lui répond, la crise a eu lieu. Je veux dire, là, on est dans le raisonnement à la fois de bon sens, mais aussi qui va jusqu'au complotisme, hein, et ce qui permet à Hitchcock de dédouaner son récit de la loi morale qu'il a lui-même mise en place dans le dialogue de cette jeune femme. Enfin, cette jeune femme, non, elle n'est pas si jeune que ça, de l'infirmière. Elle a dit, c'est mal, et après, Hitchcock nous dit, mais elle n'est pas sérieuse, on ne peut pas la prendre au sérieux, elle n'a pas de véritable pensée. Pour moi, c'est là qu'est la perversité. Parce qu'il a planté la graine, et en même temps, il la recouvre largement. Comment expliquez-vous que très tôt dans le film, juste après que l'infirmière arrive, il parle de cette femme Lisa, qu'il aime beaucoup, mais avec qui il ne veut pas se marier, que cette femme va prendre beaucoup d'importance dans le film, et en fait c'est un film qui porte autant sur le mariage, sur la vie conjugale, que sur le voisinage et le voyeurisme. Tout à fait, et c'est le deuxième temps de la vérité du film, c'est effectivement, Lisa veut se marier, lui ne le veut pas, vont-ils arriver, oui ou non, à se marier? Et c'est peut-être un des objets du suspense le plus fort dans ce film-là. C'est comment Lisa va arriver ou pas à faire respecter son désir contre le désir de Stewart. Et ce qui est très frappant, c'est que la première fois qu'elle arrive dans le film, après cette discussion... Lisa, c'est Grace Kelly. Hein. Je pense qu'on l'a dit. Il faut quand même le dire. C'est vrai. Sublime Grace Kelly. La première fois qu'elle arrive, elle arrive d'abord par son ombre. C'est son ombre qui se projette sur le visage de James Stewart, un peu comme un vampire. Et ensuite, elle arrive dans la lumière et elle s'embrasse et ils ont un baiser. Mais on a commencé d'abord par une emprise. Et bien évidemment, tout ça est aussi tributaire d'une misogynie assez crasse de notre ami Hitchcock, qui, tout génie qu'il soit, n'était quand même, sur les femmes, pas exactement en phase avec ce que l'époque allait devenir. Ça, c'est ce que vous pensez en général de Hitchcock. Et dans ce film, ça se manifeste comment? Parce qu'elle aime les robes, elle aime la mode, mais enfin, elle est quand même très courageuse. C'est elle qui va mener l'enquête. Absolument. Alors que lui ne peut pas Absolument. Bouger. Mais quand je vous dis qu'Hitchcock est pervers, c'est qu'à la fois, il va défendre son personnage féminin. Et effectivement, c'est un des personnages féminins les plus actifs de son cinéma. Elle prend vraiment son destin en main. Quand on la voit monter sur une rambarde de fenêtre, enjamber une fenêtre pour aller voir si oui ou non le criminel a laissé des preuves derrière lui, c'est assez impressionnant, même si c'est une doublure, bien évidemment. Et c'est à la fois ce courage-là et en même temps, le tout dernier plan du film, quand même, n'oublions pas, c'est un plan symétrique du début. Au début, nous avions ce photographe qui était immobilisé par une jambe dans le plâtre. À la fin, nous avons ce photographe qui est immobilisé avec deux jambes dans le plâtre. Et à côté de lui, sur une méridienne, Grace Kelly, en loafers et en jean et chemise très, très, très détendue, qui lit un livre qui semble très sérieux sur « Au-delà de l'Himalaya ». Et quand elle constate que James Stewart dort bien, elle prend Harper's Bazaar, un magazine de mode avec un délice évident. Oui, parce que tout l'enjeu... Il y a les deux. Tout l'enjeu, si James Stewart, si Jeffries ne veut pas épouser Lisa, c'est parce qu'il trouve qu'elle n'est pas assez aventurière. Absolument. Mais elle a fait ses preuves pendant le film. Elle l'a vraiment aidée. Elle a été au-delà de ce que ferait n'importe quelle personne un petit peu raisonnable, c'est-à-dire s'introduire dans l'appartement d'un tueur pour chercher des preuves. Preuve d'amour, s'il en est. Alors, le film se compose de plusieurs séquences. La première, qu'on vient de commenter, dure à peu près une quinzaine de minutes. Et puis, la nuit tombe et surtout, la pluie tombe. Et lorsque la pluie tombe, nous passons à un autre moment du film. Et c'est le moment où on passe des ragots, on commente ce que font les voisins, aux soupçons qui se lèvent. Think the rain would have cooled things off. All it did was make the heap wet. Oh, that's a stiffle right there. You know, the insurance company would be much happier if you'd sleep in bed at night instead of in that wheelchair. Oh, how'd you know? Vos yeux sont tout injectés. Vous avez dû regarder par la fenêtre pendant des heures. Oui, c'est vrai. Que ferez-vous si un voisin vous surprend? Ça dépend duquel. Tenez, Mr. Saw, par exemple. Vous occupez donc pas d'elle. Elle aime bien manger, bien boire, et paraît bonne fille. Oui, elle deviendra grasse, alcoolique et lamentable. En fait, lamentable, Miss Cœur Solitaire en est réduite à se saouler avant de se mettre au lit, toute seule. Il n'y a donc personne dans le voisinage pour jeter les yeux dans sa direction? J'en sais rien. C'est pour que le placier soit libre bientôt. Oh. Lui et sa femme se séparent? Je ne peux rien affirmer, mais il est sorti plusieurs fois cette nuit. Pourtant, il pleuvait. Il portait sa valise d'échantillons. Eh bien, il est placier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il pourrait bien vendre à 3 heures du matin? Est-ce que je sais? Je crois qu'il transportait quelque chose hors de son appartement. Il n'y a pas eu de scène de ménage? Oh, les stores étaient baissés dans leur appartement. Par cette chaleur? Ouais. Tiens, ils sont levés maintenant. Ne restez pas. Et où voulez-vous que je me mette? Il faut aller dans le fond de la pièce. Restez dans l'ombre. Le placier, justement, regarde à sa fenêtre. Reculez. Il va vous voir. Et puis après, il n'en perdra pas la vue. Il n'a pas un regard ordinaire. C'est curieux, il a exactement le regard d'un homme qui a peur que quelqu'un ne l'observe. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous vous observons avec des jumelles et une longue vue ce matin. Vous autres auditeurs derrière le poste qui écoutez Fenêtre sur cour, le film de Hitchcock que nous vous proposons à l'écoute donc ce matin, Radio Oblige. Il n'a pas un regard ordinaire, il a le regard de quelqu'un qui a peur qu'on l'observe, dit Jeffries à partir de celui qui l'observe et dont il présume le caractère meurtrier. La dimension ordinaire revient à chaque fois. Les voisins, c'est ce qu'il y a le plus ordinaire. Or là, il y a quelque chose qui cloche et c'est dans le regard qu'il le voit, Carole Desbarin. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va effectivement, comme vous le disiez, développer toute une série d'hypothèses qui vont se vérifier les unes après les autres. Et nous, quand nous n'avons jamais vu le film, mais on peut rassurer les auditeurs, même en connaissant l'intrigue, on peut revoir le film et avoir peur. À l'infini, oui. Et c'est pas un problème. Nous sommes en train de constater si, oui ou non, il a raison. Et dire, interpréter un regard, le regard d'un voisin, c'est de la pure interprétation. Vous ne pouvez pas avoir de preuves sur un regard. On aura davantage de preuves, et encore, sur le fait d'avoir vu quelque chose, d'avoir vu un couteau enrobé dans un torchon, ou bien effectivement une malle ficelée avec une énorme corde et qui semble très très lourde. Ça davantage. Mais c'est vrai que la façon dont les indices sont distillés les uns après les autres a un double avantage. Ça permet à cette infirmière qui a dit au début de manière péremptoire et qui est Vox Populi, c'est mal de regarder, de s'y intéresser terriblement, elle-même, et ça permet aussi aux spectateurs de participer de l'hypothèse naissante, mais aussi du sentiment de culpabilité. Il recule dans le noir. Parce qu'effectivement, il y a aussi le sentiment que regarder son voisin, le scruter, et a fortiori avec des jumelles, ou bien un téléobjectif, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait normal et qui n'est pas parfaitement acceptable. Donc, il commence à y avoir le fait que des deux côtés, du côté de cet homme qui est soupçonné d'avoir fait un meurtre et du côté du photographe qui se comporte de manière illicite, ça a bien été dit, eh bien, le mal est des deux côtés et probablement d'une autre aussi puisque nous regardons. Mais oui, mais nous ne savons pas que, au moment où nous décidons de regarder le film, on ne sait pas que ça va se passer. C'est-à-dire que nous, le mal, il nous est imposé. Le spectateur est presque pris en otage. Oui, oui, c'est la direction de spectateur dont s'occupe avec un grand plaisir Hitchcock. Mais c'est aussi ça qu'on va chercher. Après, on continue le film. Donc peut-être qu'on jouit de ce mal qui apparaît. Alors là, vous posez un problème vraiment théorique de cinéma. C'est très drôle parce que Serge Danet disait cette chose très juste sur ce film, Rear Window. Il disait c'est un film devant lequel une grenouille cinéphilique devient immédiatement un bœuf théoricien. Je me sens bœuf théoricien à ce moment-là. Et par rapport à ce que vous disiez, ça m'évoque un autre film qui parle du voyeurisme, qui est le film de Haneke, Funny Games, dans lequel, à deux tiers du film, la narration s'interrompt. Un des personnages se tourne vers la caméra, s'adresse à nous, nous spectateurs, cassant le récit traditionnel et disant « Et pourquoi tu continues à regarder ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ?» Au moment où, d'une scène très très violente. Absolument, parce que sinon c'est pas intéressant. Et ça suit des scènes de torture. Donc là, Haneke, pour moi, est beaucoup moins fin que Hitchcock, parce qu'il se donne... C'est un grand débat, oui. Oui, c'est assez facile, je trouve, de faire ça au spectateur. Je trouve beaucoup plus intéressant d'amener le spectateur à se poser la question de « Et pourquoi moi-même suis-je tellement émoustillé devant le fait de voir les fenêtres d'en face ?» Et pas simplement la petite jeune fille avec son charmant bikini qui danse, mais aussi Mrs. Lonely Hearts, la pauvre célibataire qui se fait des dîners à deux avec un amoureux imaginaire, et nous voyons bien qu'elle dîne toute seule, de voir la tristesse et les déboires de ses voisins, en fait. Et Truffaut avait été très dur dans un premier temps, avant de rencontrer Hitchcock. Quand il a vu le film, il a dit que ce film était très cruel parce qu'il présentait l'humanité dans des actes de déchéance, des petits actes où tout le monde est ridicule. Oui, mais c'est vrai parce qu'on voit de l'autre côté de la cour, et ça c'est bien dit dans l'entretien Hitchcock-Truffaut, on voit chaque genre de conduite humaine. Un petit catalogue des comportements, il y a le musicien célibataire d'âge moyen, tourmenté, qui s'enivre, le vieux couple sans enfant qui dort sur l'escalier de secours durant les grandes chaleurs, hein, qui finalement a reporté toute son affection sur le chien, à qui il arrivera quelque chose de terrible. Le couple jeune marié qui fait l'amour toute la journée, bon, à la limite, on ne les plaint pas. La femme seule, Miss Lonely Hearts, qui s'invente un amant. La femme, au contraire, qui, elle, invite des musiciens tous les soirs. On a une sorte de panoplie de tous les comportements possibles que l'on regarde avec autant de curiosité que Jeffries, qui lui n'a pas le choix, il est devant sa fenêtre. C'est ça la question, c'est en fait, qu'est-ce qui nous fascine chez les autres? Est-ce une manière de trouver une identification? Voilà à quoi nous ressemblons, voilà celui en fait qui me ressent, même si je n'ose pas me l'avouer. Ou est-ce une pure pulsion voyeuriste? Et pourquoi pas, après tout, hein. Mais il me semble que la pulsion, c'est justement ce qui, par définition, nous pousse vers ce qui est à la fois le même et en même temps autre. Parce c'est que, l'altérité. Oui. Il y a la même chose dans la vie mode d'emploi, par exemple, à laquelle on pense. La maison coupée. Bah oui. Bien sûr. Et même, on suit le quotidien de ces gens. C'est le quotidien. Nous avons nous-mêmes un quotidien qu'on essaye de fuir la plupart du temps. Alors pourquoi aimons-nous voir le quotidien des autres dans la littérature ou au cinéma? Mais parce que je crois que, bon, et ça, la psychanalyse l'explique très bien, que ce soit du côté de Freud ou du côté de Lacan, la question des petites différences qui nous fascinent et qui, lorsque nous ne les acceptons pas, sont la racine de ce qui est le rejet le plus violent de l'autre, pouvant aller jusqu'au racisme, bien évidemment. Là, on n'en est pas là, on est sur des petites choses de rien du tout, mais c'est effectivement cette idée de qui suis-je moi, qui ressemble à ces gens, mais qui en même temps ne sont pas moi. Donc cette question de l'autre, elle se pose, et là, elle est multipliée par 10, 15 fenêtres. En fait, il faut dire un mot sur ce décor quand même. Un qui décor a été construit de toutes pièces. Oui. Et c'est un décor qui a été un des plus chers du cinéma proportionnellement à l'époque. Il y a quand même 31 appartements qui ont été construits, dont 12 entièrement meublés. Je ne sais pas si vous imaginez sur le plan du budget, c'est incroyable ce que ça veut dire. Mais ça a permis une liberté à Hitchcock extraordinaire. Et en plus, tout ça pour ne pas montrer le quatrième côté. C'est-à-dire que nous voyons les trois faces d'un cube à l'italienne, comme le théâtre à l'italienne. On a beaucoup dit que ce film, c'était à la fois du théâtre et du cinéma. Il y a une structure théâtrale. On voit un cube à l'italienne, mais nous sommes dans la quatrième face, celle qui est celle du public au théâtre. Nous ne la verrons qu'à un moment, et très fugitivement, et en même temps, dans un montage tellement rapide qu'on ne la voit pas vraiment, c'est tout à fait à la fin, lorsque Jeffries tombe par la fenêtre, on aperçoit son mur, et il y a un autre moment, dont j'exagère, il y a un autre moment dans la cour, lorsqu'elle est vide, au niveau du petit chien, effectivement, on va voir l'ensemble de la cour. Mm-hmm. Mais sinon, on est toujours dans le point de vue du théâtre. Comment fait-il du cinéma à partir de ça? C'est un tour de force. En 1953, quand il tourne le film, vous dites que c'est un décor les plus chers de l'histoire du cinéma, c'est donc qu'il est... que le producteur l'autorise, c'est qu'il est déjà très connu quand il fait ce film-là, et il est à court d'inspiration peut-être, en tout cas il se nourrit beaucoup d'effets divers, et pour ce film, le film a été écrit par John Michael Hayes, qui a aussi écrit La main au collet notamment, mais qui s'inspire de deux faits divers, d'une histoire d'abord, et ensuite de deux faits divers, où dans les deux faits divers, ce sont des assassinats, mais absolument horribles, où ce sont des femmes démembrées. À la découpe. C'est ça, des morceaux de corps qui sont cuits quasiment au courbouillon, enfin des choses absolument abominables. Et Hitchcock condense ça, comme souvent, pour en faire un scénario impeccable, parce que pour le coup, on ne voit rien. Non, effectivement. Attendez, nous sommes en 1954, la loi du code Hays pèse encore sur le cinéma, moins qu'avant, on est au tournant. Qu'est-ce que c'est le code Hays? Alors le code Hays, c'est un code qui a été établi par l'industrie hollywoodienne pour se préserver dans la fin des années 20 d'une censure possible de la société civile. Donc ils ont fait un code antérieur à la sortie des films qui empêche par exemple que un baiser ne dure plus que, je crois, 6 secondes, ce qui explique les baisers extrêmement longs d'Hitchcock, puisque la caméra tourne autour des personnages, s'interrompt sur un plan de téléphone, 6 secondes, et puis on recommence encore 6 secondes, et encore, etc. Et donc, Hitchcock s'est, je crois, beaucoup amusé, contrairement aux petits maîtres qui ont beaucoup souffert de la censure. Lui, il s'est beaucoup amusé à tourner la censure. Donc, c'est effectivement torride, mais on ne voit rien. Et y compris quand c'est insoutenable. Alors, on ne voit rien ni dans le sexe, ni dans la mort. C'est ça qui est important. Dans le sexe, c'est lorsque ce moment extraordinaire où il faudrait dire un mot sur les costumes de Grace Kelly, si vous me permettez. On va la retrouver dans une seconde, mais parlez-nous de ces costumes. D'accord, oui. Ces costumes, ils sont faits par Edith Head. Edith Head, c'est probablement la femme qui a eu le plus d'Oscars dans l'histoire du cinéma hollywoodien. C'est la costumière. Elle a fait la plupart des films d'Hitchcock et, tenez-vous bien, la plupart des films de Jerry Lewis. Et quand vous regardez les femmes chez Jerry Lewis et vous regardez les femmes chez Hitchcock dans les années 53-65, elles sont habillées de la même manière. Cette espèce d'élégance très classique qu'on retrouve parfois maintenant dans la mode, avec des couleurs très vives, mais aussi un souci de la mode, du tissu, de la broderie, enfin la première robe en noir et blanc, avec une jupe blanche en soie, époustouflante. Brodée, époustouflante absolument, mais ça compte, et ça n'est pas simplement la petite midinette que je suis qui s'esbaudit sur le sujet. Hitchcock était extrêmement précis sur les costumes. Edith Head a fait ensuite à sa tête, mais il avait des envies extrêmement, mais vraiment forte et sur la nuisette qu'elle apporte dans une petite, un petit sac pour passer la nuit chez est-ce son amant ? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Ah, il y a un doute, vous pensez ? Ah bah écoutez, en tout cas, moi j'ai rien vu et j'ai surtout vu, par principe, j'ai surtout vu qu'on m'empêchait d'assister, ou d'imaginer qu'ils passent la nuit ensemble, parce que au moment où elle revêt cette nuisette, elle dit passons maintenant à d'autres attractions. C'est précisément à ce moment-là qu'il y a un cri dans la cour et c'est le petit chien qui est mort et donc qui interrompt tout. Bon, alors on rembobine de 2 minutes au début. Allez. De la scène où Grace Kelly, que nous n'avons pas encore entendu, discute avec James Stewart, Jeffrey. Donc Lisa et Jeffrey s'interrogent sur la moralité de leur comportement. On entendra la mort du chien un peu plus tard. You know, much as I hate to give Thomas J. Doyle too much credit, he might have gotten a hold of something when he said that was pretty private stuff going on out there. I wonder if it's ethical to watch a man with binoculars and a long focus lens. Je me demande s'il est très normal d'épier un homme chez lui avec des jumelles et un téléobjectif. Bref, il me semble qu'il n'est pas immoral d'arriver à prouver qu'il n'a pas commis un crime. Tu ne connais pas la morale qui régit les fenêtres donnant sur la cour. Évidemment, on peut agir de même avec moi, m'observer telle une mouche derrière une vitre si on le veut. Jeff, vous savez que si quelqu'un entrait, il ne voudrait pas croire ce qu'il verrait. Quoi ? Vous et moi, les traits tirés, plongés dans le désespoir parce que nous avons découvert qu'un homme n'avait pas tué sa femme. Nous sommes les êtres les plus effrayants que j'ai connus. Nous ne devrions tout de même pas avoir de la peine si cette pauvre femme est vivante et en bonne santé. Qu'est donc devenu ce vieux précepte « Aime ton prochain » ? Vous savez, je crois que je le remettrai en pratique dès demain. Oui, mais je commencerai avec Miss Torso, ok? Il ne me restera plus qu'à m'installer dans un appartement en face et à exécuter la danse de cette voile toutes les heures. Le spectacle est fini pour ce soir. Passons à d'autres attractions. Alors évidemment, on a envie de savoir ce que sont ces autres attractions. On va y revenir dans un instant, ou plutôt y aller un peu plus loin. D'abord, quand Grace Kelly dit qu'elle veut bien aller habiter en face, à la place de cette voisine que James Stewart passe son temps à regarder, elle cherche quand même une manière de faire durer son couple. C'est un des enjeux du film. Nous l'avons dit, Carole Desbarra, comment est-ce que ce couple illégitime peut-il devenir légitime ? Et le voisinage n'est pas sans lien avec cet enjeu. On l'a dit parce qu'elle va aider à résoudre l'énigme autour du crime, mais aussi parce qu'elle-même, en fait, essaie de savoir comment respecter la limite qu'il établit entre lui-même et elle, qui est une femme, qui est une autre, et avec qui il souhaiterait vivre, et comment elle arrive à la transgresser. Au fond, c'est le meurtre qui va permettre à ce couple de devenir légitime, d'être vraiment consommé. Tout à fait, parce que c'est ce meurtre qui va faire qu'elle va entrer dans l'action, qu'elle va sortir de ses robes, si j'ose dire, et se montrer très entreprenante, et pas seulement dans son désir qui l'anime dans la première moitié du film où elle n'a qu'une idée, c'est se faire épouser, mais plutôt dans le fait de participer à une aventure, comme vous l'avez dit, avec lui. Et c'est précisément ce qui fait qu'elle sera épousée ensuite. Mais ce qui est intéressant par rapport au thème du voisinage, c'est que dans l'extrait qu'on a entendu, non seulement, pour une fois, et c'est à peu près la seule, Jeffries se rend compte que c'est pas tout à fait moral ce qu'il fait, effectivement. Mais surtout, il met en place l'idée de la réversibilité. Nous sommes tous les voisins de quelqu'un d'autre. Et si lui observe, il y en a d'autres qui peuvent le regarder et l'observer comme un insecte. C'est sa défense. En même temps, bon, c'est bien que c'est absolument jésuite comme façon de concevoir les choses, mais ça permet au moins de dire que on peut passer d'un rôle à l'autre. C'est probablement ce qui, dans la narration, inspire à Lisa son idée de « Eh bien, moi aussi, je vais rentrer dans la réversibilité. Je vais me mettre en face de toi pour que tu me désires, puisque ici, comme l'infirmière nous l'a dit, tout à fait au début, sa température ne monte pas devant les spectacles à peine érotisés de cette jeune femme qui danse dans l'immeuble d'en face. Eh bien, elle va aller dans l'immeuble d'en face voir si ça réveille la libido de James Stewart. » Donc, cette question du voisin qui est un coup l'un, un coup l'autre, c'est aussi des prémices du mariage. C'est ça. Effectivement, est-ce que le mariage n'est pas un sacré voisinage qui dure longtemps ? Voilà. Est-ce peut-être qu'une bonne façon de concevoir le mariage, ce serait de le vivre comme un voisinage, comme une réunion de copropriété avec les meilleurs membres possibles et dans le plus de gaieté possible. sans la dimension érotique qui est rarement présente dans les réunions de copropriété. Juste après l'extrait qu'on a entendu, le spectacle est fini pour ce soir, passons à d'autres attractions. Vous l'avez dit, on s'attend à ce qu'enfin ce désir brûlant que l'on voit entre les deux et les corps sont filmés aussi de manière très... Les robes de Grace Kelly et le torse de James Stewart qui se fait soit masser par l'infirmière, soit cette jambe qu'il essaye de se gratter, etc. Les corps sont très présents. Et là, un cri déchire la nuit. Et que s'est-il passé? Le petit chien que l'on voyait depuis le début est mort. Do you like it? Yes, I like it. Qui a pu faire ça? Qui de vous a tué mon chien? Vous ne savez donc pas ce que signifie le mot voisin? Les voisins devraient s'aimer les uns les autres, se parler entre eux, s'intéresser à leur vie et à leur mort. Et aucun de vous ne le fait. Mais je ne pouvais imaginer qu'un de vous serait assez lâche pour tuer un bon petit chien sans défense. Le seul être dans tout le voisinage qui aimait tout le monde. L'avez-vous tué parce qu'il vous aimait? Rien et parce qu'il vous aimait? On ne va tout de même pas être rentré dans le pareil. Vous savez, pendant un instant, ce Tom Doyle m'avait presque convaincu que j'avais tort. Plus maintenant? Regardez. Dans tout le voisinage, une seule personne ne s'est pas montrée à la fenêtre. Regardez. Vous ne savez donc pas ce que signifie le mot voisin, crie cette femme prise de désespoir devant la mort de son chien. C'était le seul être de tout le voisinage qui aimait tout le monde. Alors on est partagé entre l'horreur de voir un chien assassiné et quand même le ridicule des propos qu'elle tient, Carole Desbarat. Ou est-ce que ça n'engage que moi? Non, pas du tout. Il nous refait le coup de l'infirmière. Il nous refait la même chose. C'est-à-dire qu'au début, cette femme qui pousse ce cri et qui dit, qui en appelle à l'humanité des voisins entre eux. En parlant d'un chien. Elle parle d'un chien, c'est-à-dire dans un premier temps, elle a une phrase très générale qu'on pourrait appliquer à toute relation humaine. Nous sommes voisins, regardons-nous et respectons-nous les uns les autres. Deuxième temps, il s'agit d'un chien. Et troisième temps, il nous fait le coup de le crack de 29 qui a été annoncé par la vessie défaillante du PDG de la Standard Oil, c'est-à-dire, il vous aimait, ce chien vous aimait. Donc, c'est totalement ridicule, bien évidemment. Il a mis en place quelque chose qui est, je crois, quelque chose qu'il croit, une idée d'une morale possible. Il n'est pas moralisateur, hein, il est moraliste. Je crois que c'est pas la même chose. Et dans un deuxième temps, il recouvre ça d'une bonne pelletée de béton avec, je vous ai pas dit ça, non, je vous ai pas dit la vérité, on va ridiculiser la personne qui l'a dit et on passe à autre chose. Donc, c'est cette façon de nous diriger comme ça, de nous faire sentir à un moment donné, ah oui, le mal est là, c'est ça le mal. Et en même temps dire, mais non, attends. On ne peut pas croire une femme qui sanglote voilà, en disant que le chien était la personne. Et surtout en version française, c'est assez terrible. Oui, avec les petits cris comme ça qui font qu'on se détache immédiatement de ce qu'elle dit. Oui. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on entend ce qu'elle dit. Alors elle est de l'autre côté de la cour, elle faisait, on ne l'avait pas dit, mais comme elle habite au quatrième étage, je crois, pour faire descendre son chien dans la petite cour, elle le met dans un panier, elle a d'une poulie et d'une corde, elle le faisait descendre jusqu'en bas. Et donc là, on fait remonter le cadavre du chien au sein du panier, il remonte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on entend là ce qu'on a diffusé ici à la radio, mais ce qu'on voit, le personnage de James Stewart l'a dit, c'est en fait un indice très important. Ce que l'on voit, c'est qu'alors que ce cri déchire la nuit et que tout le monde regarde, il y a une seule fenêtre qui ne s'allume pas, et c'est évidemment celle de l'assassin présumé. Bien sûr. Que l'on remarque juste aux cendres, enfin au foyer du cigare qu'il est en train de fumer. Mmh, tout à fait. Et ce petit point rouge comme ça dans une fenêtre obscure, ça rappelle quelque chose que régulièrement Hitchcock met en place, surtout dans la deuxième partie de sa carrière américaine, c'est la tâche, cette idée de tâche, mais qu'il faut prendre vraiment presque comme une métaphore de l'horreur et du mal. Je pense à la tâche qu'il y a sur le gant de l'héroïne des oiseaux lorsque elle est attaquée par une mouette, elle touche son front et Ensuite, Hitchcock fait quelque chose qu'il fait rarement. Il fait un très gros plan sur un objet. Et cet objet, c'est sa main, avec, sur un gant de cuir grège, je dirais, une tache de sang. C'est la trace du mal. Parce que la question du mal, elle est vraiment absolument présente dans tous les films d'Hitchcock. C'est la préoccupation. Quand on dit que c'est un cinéaste catholique, quand on dit que c'est un cinéaste qui traite de la morale, il traite du mal. Comment est-ce que le mal s'immisce dans la totalité de nos actions? Et la force de Fenêtre sur cour, sur la question du voisinage, c'est que le mal s'immisce dans les actes les plus ordinaires, comme on lui disait. C'est-à-dire que j'écoutais ce que votre invité disait sur l'infraordinaire. Voilà, chez Georges Perec, mardi. Et je me disais, oui, ben justement, chez Hitchcock, c'est pas l'infraordinaire. C'est l'ordinaire au sens de Cavell. C'est-à-dire l'ordinaire Stanley au Cavell, sens... Le philosophe Stanley Cavell, au sens où... L'art américain se détache de l'art européen en se préoccupant des choses les plus basses, les plus ordinaires, les plus simples, et faisant transiter par cette observation du banal et des objets épars sur le sol, comme disait Emerson, faisant transiter la pensée la plus haute. Mais ça veut dire, vous dites que chez Hitchcock, il y a très peu de gros plans, et vous racontez cette scène des oiseaux avec le gros plan sur la tache de sang, je pense aussi au verre de lait dans son sang. Bien sûr. Ça veut dire que le gros plan, en fait, c'est presque toujours pour montrer le mal. Oui. Oui. Le mal est dans les détails. Oui, et puis il y a un moment où il nous le met en face, quoi. Il nous oblige à regarder, effectivement. Et je trouve que c'est plus fin dans le gant taché de sang que, puisque quand même, Hitchcock est un des rares cinéastes qui a vraiment signé des plans dans lesquels on voit le sang des femmes. Souvenez-vous, le plan du sang dans la douche. Dans Psychose, bien sûr, c'est le sang. On peut penser à autre chose aussi. Rarement, on a montré le sang chez les femmes. Et il ne le fait pas à flot, hein, parce que ce n'est pas un cinéaste des années 90. Mais il y a quand même une insistance sur la souffrance. Et d'ailleurs, il y a, dans le travail que fait Grace Kelly en tant qu'actrice, sur ce personnage difficile de jeune femme évaporée, en même temps, quand elle dit tout ce qu'elle fait dans sa journée... je pense qu'elle ne fait pas rien. C'est-à-dire, certes, elle va de cocktail en cocktail, mais elle organise des choses. C'est quelqu'un qui est quelque part entre l'agent, l'attaché de presse. Elle est un peu dans la communication, dirions-nous. La communication mondaine, eh bien, montrer qu'à la fois, elle est totalement évaporée et qu'en même temps, elle peut souffrir. Elle a des émotions qui passent sur son visage lorsque Stewart refuse toutes ses avances vers le mariage, qui sont de magnifiques expressions d'actrice. Elle va passer de l'autre côté de la cour pour aller dans l'appartement de l'assassin présumé, alors que lui s'absente. Et alors qu'elle est dans l'appartement, le voisin qui habite l'appartement, donc l'assassin présumé, rentre dans cet appartement. Par un concours de circonstances, la police arrive à ce moment-là parce que James Stewart avait appelé la police pressentant que les choses allaient mal se passer. Il ne peut pas bouger, il a la jambe dans le plâtre face à sa fenêtre. Et alors là, on suit une scène qui est vraiment, vraiment incroyable, tellement, tellement précise et tellement efficace, puisque l'on voit à la fois Lisa, donc Grace Kelly, qui se fait harceler par l'assassin présumé, dont on apprendra que c'est vraiment l'assassin, la police qui arrive, et pour montrer qu'elle avait raison, pour montrer que les bijoux de la femme étaient dans l'appartement, et donc que celle-ci n'était pas partie en voyage, et donc que vraisemblablement elle avait été tuée. Parce qu'une femme ne partirait jamais sans ses bijoux. Et son sac préféré, dit-elle. Elle met l'alliance à son doigt, et montre, mettant ses mains derrière son dos, fait en sorte que James Stewart, avec ses jumelles, peut voir qu'elle porte l'alliance, et donc qu'elle avait raison, et que l'homme qui est en face d'elle est bien l'assassin. Bien sûr, on peut le lire à double sens. Si elle met l'alliance à son doigt, c'est bien une manière de montrer, bah tiens, regarde, je pourrais moi-même être ta femme. C'est à partir de là que tout bascule. Tout à fait. Et à la fois, bon, c'est une espèce de stratification très, très ludique chez Hitchcock, parce que à la fois, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ça y est, elle a gagné, elle est épousée, c'est bon, elle l'a eu. Et en même temps, elle avait raison. Et c'est aussi ce qui permet justement d'attirer le regard du meurtrier, parce que elle a l'air assez contente, elle bouge ses mains dans son dos, et il se dit, mais il y a quelque chose qui se passe, et du coup, il regarde en face, et pour la première fois, il perçoit que quelqu'un est en train de le regarder dans un téléobjectif. Sauf que ce qu'il voit, ce que nous voyons, pardon, nous, spectateurs, c'est son visage qui nous regarde. Mais c'est terrifiant. Nous sommes le contre-champ, nous sommes les voyeurs. Et ça, c'est magnifique. Il y a quelque chose avec ce visage de l'assassin. Il le disait, hein, le personnage de James Stewart le disait, il y a quelque chose de pas ordinaire. Et c'est vrai que le moment où il lève les yeux en direction de celui qui le regarde, c'est-à-dire nous, il y a vraiment un frisson de peur qui parcourt le corps. Je ne sais pas comment son visage fonctionne, mais ça marche très très bien. Oui, c'est un acteur qui a été moins cité, c'est Raymond Burr. En fait, les Américains le connaissent très très bien, parce qu'il a fait 271 épisodes de Perry Mason, donc ils le connaissent très bien, nous on ne le connaît pas. Et effectivement, vous avez raison, il est très fin dans ses attitudes, mais c'est très fort ce moment-là, parce que ça ne passe pas par le dialogue. Il faudrait rappeler ce que Hitchcock disait, le dialogue c'est un bruit qui sort de la bouche des acteurs. Il travaille sans arrêt à montrer les choses et à ne pas passer, en essayant de ne pas passer par le dialogue. Sauf que, une fois qu'il a montré, et une fois que nous avons compris, à ce moment-là il rajoute un dialogue futile comme celui de l'infirmière ou bien... Alors, on va entendre Hitchcock nous parler du dialogue précisément. Et ensuite, une des dernières scènes du film, l'assassin va pénétrer chez James Stewart. Écoutez bien ce qui se dit, parce que par un renversement là aussi sans doute pervers, Carole Desbarra, on a presque pitié pour l'assassin qui pose deux questions à James Stewart qui ne sait pas quoi répondre. Et le bruit que vous entendrez, c'est le bruit des ampoules que James Stewart met dans son appareil photo pour éblouir l'assassin afin que celui-ci ne vienne pas sans doute le tuer. One of the worst things you can ever hear a writer say when faced with a problem to me, quote, je cite, we will cover that in a line of dialogue. Nous couvrons ceci par une ligne du dialogue. What do you want from me? Your friend, the girl, could have turned me in. Why didn't she? What is it you want? A lot of money? I don't have any money. Say something. Say something. Tell me what you want. Can you get me that ring back? No. Tell her to bring it back. I can't. The police have it by now. Le corps de James Stewart est en train de passer par-dessus la fenêtre, d'où le deuxième plâtre à la fin dont vous parliez, Carole Desbarra. Quelle voix ! Tell me what you want ! On a laissé la version originale pour entendre ce grain de voix. Et James Stewart n'a rien à répondre à ça. Il ne sait pas ce qu'il veut, au fond. Et c'est bouleversant, cette phrase, parce que c'est le cœur du désir de James Stewart. Et c'est l'autre qui lui demande. Et c'est l'autre qui lui demande des comptes. Ouais. En fait, l'homme a été criminel en face. Il arrive devant celui qui ne fait que l'observer et chercher, bien évidemment, à l'envoyer en prison. Et il dit, mais que veux-tu de moi ? C'est presque une phrase métaphysique. C'est pas est-ce que tu veux de l'argent ? Est-ce que tu veux que je me taise ? C'est vraiment, qu'est-ce que très profondément tu cherches en me regardant ? C'est Lévinas, en fait, ce que vous dites. C'est l'éthique, c'est le visage de l'autre qui donne une injonction à agir à celui qui regarde. Oui, oui, vous avez raison. Et à un autre niveau, parce que très curieusement, le timing a fait que je lis en ce moment le livre que tout le monde lit, Sérotonine, de Michel Houellebecq. Je me suis dit, mais c'est pas possible, effectivement, il y a une scène dans Sérotonine qui est peut-être une trace mnésique de cette scène-là. Il y a un moment donné où cet être qui est solitaire, désespéré, n'a plus comme seule distraction que de regarder à travers des jumelles. Et il observe un ornithologue qui lui-même observe des oiseaux. Sauf que cet ornithologue reçoit une petite fille dans sa maison. Et que, en bon lecteur traditionnel, naïf, je me suis dit, ah non, quand même, non, non. Enfin, bon, Il doit y avoir une raison. Il lui donne des leçons de piano. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un vrai crime. C'est-à-dire qu'effectivement... Ne vous en dites pas trop, pour ceux qui sont en train de le lire. Je m'arrête. Enfin, crime, le mot... Bref, si, oui, crime. Bref, la question est posée. Qu'est-ce qu'on cherche en regardant les autres? Qu'est-ce que les autres font que nous pouvons regarder ou que nous n'avons pas le droit de regarder? Et effectivement, c'est ce que, dans cette phrase très ramassée, parce qu'il n'aime pas le dialogue, Hitchcock, mais quand il a besoin, il peut poser une vraie question, le meurtrier dit « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Hein, c'est très très fort ce moment-là. Et on n'a rien à répondre. Non, et puis on peut juste dire qu'effectivement, une fois de plus, Hitchcock nous fait le coup des éléments locaux. Il a un côté très, moi je dirais ménagère, qui utilise les restes dans son frigo pour faire la salade. Là, c'est un photographe, donc il se sert de ses ampoules pour flasher et essayer de ralentir la progression de cet homme qui, quand même, là maintenant, lui veut du mal, une fois qu'il lui a posé la question essentielle. Malheureusement, nous ne pouvons pas ralentir la progression de cette émission qui arrive à son terme, ça tombe bien, le film aussi. Et terminé, merci de l'avoir regardé, commenté avec nous, Carole Desbarra, aujourd'hui. Merci à vous. On se quitte avec une chanson que l'on entend dans ce film, puisqu'on l'a dit, toutes les chansons, tous les bruits viennent du film lui-même et sont jamais surajoutés à la bande sonore. C'est le thème de Mona Lisa, de Nat King Cole. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Cet indicatif est génial, dit Carole Desbarra, et elle a raison. Ça me fait plaisir. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Jane Austen. Jane Austen, et oui, l'occasion m'est donnée d'en parler à cause d'une découverte historique, hein, on peut dire le mot, d'un vieil album photo qui aurait appartenu à sa famille. Acheté par une passionnée d'histoire sur eBay, qui comptait seulement y contempler quelques représentations d'aristocrates du 19e siècle, oui, c'est une certaine occupation, cet album serait apparemment celui de la famille de Jane Austen. On y voit par exemple une Marianne ou une Cassandra, des personnages que l'on retrouve dans ses romans. Alors certes, cette découverte est un peu une anecdote, mais c'est un bon prétexte pour parler de la célèbre romancière britannique et pour évoquer ce qui ressemble chez elle à une philosophie du sentiment. Marianne et Éléonore, différentes comme seules peuvent l'être deux sœurs. Est-ce que tu l'aimes? Je ne songe pas à nier que j'ai de lui une très haute opinion, que j'ai pour lui une très grande estime. Tu l'estimes et il te plaît? Éléonore n'est pas comme toi et moi. Elle refuse de se laisser emporter par ses émotions. Columbia Pictures vous invite. Plus je connais le monde, plus je suis convaincue que jamais je n'y verrai un homme que je puisse sincèrement aimer. À découvrir le romantisme. Marianne, il faut te changer, tu vas attraper un rhume. Peu importe un rhume quand un tel homme existe. Ça t'importera quand on est doublera de volume. Tu as raison. Aide-moi, Éléonore. À vibrer passionnément. Les bandes annonces en version française, Géraldine, ouais, pas mal, pas mal. Raison et sentiment, et puis lui aussi Orgueil et préjugés, Persuasion, Mansfield Park, Emma, etc. Entre ses écrits de jeunesse et ses grands romans, Jane Austen est aussi célèbre en Angleterre que Shakespeare. Les raisons de ce succès semblent assez simples, on pourrait même les ramener à une seule raison, à ce seul titre, Raison et sentiment, ou le combat en l'homme entre la tête et le cœur. Soit le combat le plus intime et universel qui soit, celui qui a autant fait couler d'encre à l'eau de rose que nourrit les philosophes les plus abstraits. En cela d'ailleurs, il faut le dire, Jane Austen sème le doute. On croit lire un roman pour jeune fille, fait de jeux amoureux et d'intrigues matrimoniales, et on se retrouve en fait avec une leçon de philosophie. Ou mieux, on lit un roman sentimental tout en recevant une réflexion morale digne d'un Aristote ou d'un Kant. Quelle est alors sa grande idée à elle? Que nous dit Jane Austen de la raison et des sentiments? Que nous apprend-elle de la vertu et de ce qui serait une conduite à tenir dans les grandes affaires humaines? Dans Persuasion, Jane Austen fait dire à son personnage principal, Anne, « Nous n'existons que par le sentiment ». Que peut-on entendre par là? Que veut dire « exister par le sentiment » Faut-il y entendre une vie de passion irrationnelle, une vie passée sous le coup de l'émotion, tyrannisée par notre sensibilité? Combat entre la raison et les sentiments, Jane Austen serait-elle si philosophe que ça au fond? Où sont l'ironie et son réalisme critique tant vantés dans une telle alternative entre le cœur et la raison? Alors il faut le rappeler, Jane Austen, née en 1775 et disparue en 1817, appartenait à la gentry anglaise, en proie aux questions de mariage, d'héritage, d'argent et de conventions sociales, mais aussi à toute une tradition anglo-saxonne de la sensibilité que l'on trouve par exemple chez Hume. Face au vernis social se joue en effet chez Hume, comme chez Austen, une promotion de la passion, du cœur, du sentiment. Loin d'être opposés à la raison, ils sont au contraire ce qui lui donne une impulsion, une raison d'être justement. Car peut-on faire tourner notre raison à vide, sans objet désirable, sans sentiment, sans envie, sans désir? Peut-on vouloir quelque chose et peut-on utiliser notre raison pour y parvenir? Seems Lady Susan will finally visit. Lady Susan Vernon. Congratulations on being about to receive the most accomplished flirt in all England. That woman's a fiend. I have no money and no husband. Excuse me for arriving this way. What a delightful family pose. Lady Susan, c'est l'incarnation extrême chez Jane Austen du désir qui trouve les moyens rationnels d'être assouvi. Tout l'enjeu est alors celui-ci, modérer la sensibilité entre un trop-plein de rationalité et une absence totale de raison. Et là se trouve la leçon de Jane Austen, en peignant des caractères qui ne cessent de questionner leurs penchants, elle livre un manuel de bon usage du sentiment. Elle tente, autrement dit, de répondre à cette question, comment non pas éradiquer, mais raisonner tous ces sentiments qui, de fait, gouvernent nos existences. Merci Géraldine de nous conseiller la lecture de ce livre sur Jane Austen, que vous aimez tant, je le sais. L'aime beaucoup. Alors Jane Austen, Un cœur rebelle, c'est une biographie de Catherine Riwa qui est parue aux éditions Écriture et je le conseille. Je conseille aussi de lire Jane Austen, tout simplement. Évidemment. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son, aujourd'hui c'était Anthony Thomasson. On se retrouve demain pour la diffusion de notre débat enregistré samedi 12 janvier dernier à la Sorbonne à Paris, à l'occasion d'un forum organisé par France Culture autour de la question du réchauffement climatique. Notre débat soulevait une question, un point de départ, sommes-nous prêts pour la fin du monde? La réponse sera apportée par Cynthia Fleury, Dominique Bourg et Pierre-Henri Castel. D'ici là, pour écouter cette série d'émissions sur le voisinage, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, en regardant par la fenêtre chez vos voisins. Par exemple, personne ne vous verra si vous faites attention. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, rendez-vous demain à 10h précise, nous serons là. Quant à vous, restez à l'écoute sur France Culture.